Chapitre 13. Amantaï est aux mercenaires du chaos ce qu'Unlou est à une meute de chiens. Les mercenaires du chaos apportent la mort. Amantaï est la mort. Seigneur Sai Ilmuran, journal de bord. Les avant-bras de Salim commençaient à le faire souffrir. Il avait le bout des doigts écorché, et surtout, il n'osait pas regarder en bas. Il venait de franchir un passage particulièrement délicat et avait failli tomber. Seul un ordre cinglant d'Elana l'avait obligé à se ressaisir. Elle grimpait à côté de lui, lui prodiguant des conseils précis d'une voix calme. De près, le spectacle qu'elle offrait était ahurissant. Elle abandonnait à Salim les prises les plus grosses, ne s'accrochant qu'à des saillies presque invisibles. Elle était toujours prête à rattraper un faux pas de son élève et se jouait totalement de la pesanteur. Au bout de ce qui parut une éternité à Salim, ils parvinrent sur la première vire. Les Faëls se tenaient là. Ils étaient une dizaine, confortablement adossés à des rochers, leurs arcs posés près d'eux. Petits, moins d'1,50 m, fins et gracieux, ils étaient vêtus de fourrures qui laissaient libres les bras et les jambes. Leur peau était sombre, autant que celle de Salim, et leurs yeux, étirés comme ceux des chats, paraissaient immenses dans leur visage triangulaire. Leurs poignets et leurs chevilles étaient ornés de bijoux décorés de perles et de plumes. Ils souriaient d'un grand sourire hilar que Salim n'eut aucune peine à déchiffrer. Ils se moquaient d'eux. Elana dut aboutir aux mêmes conclusions et se raidit. Elle réussit toutefois à se contenir car, lorsqu'elle prit la parole, ce fut d'un ton paisible, presque jovial. Nous sommes montés vous remercier, messieurs. Votre intervention d'hier soir nous a permis de gagner 2 ou 3 minutes de sommeil. D'accord, vous avez gaspillé pas mal de flèches contre les rochers, mais le tir devait être difficile. Et dans tous les cas, c'est l'intention qui compte, pas vrai ? Elana n'attendit pas de réponse et poursuivit son massacre verbal. Elle jubilait, et Salim se prit à sourire. Il était sacrément fier d'avoir été choisi comme élève par une pareille femme. Je pensais que vous descendriez chercher les rares flèches qui ne se sont pas brisées contre les pierres, mais je ne vous ai pas vu. Timide, sans doute. Ce doit être pour ça que vous vous cachez ici. Je me trompe ? Il y eut un frémissement de colère chez les Faëls et des mains se tendirent vers les arcs. Paix, ami ! Salim leva les yeux vers la voie. Un jeune guerrier était assis sur une vire, les pieds dans le vide, quelques mètres au-dessus d'eux et les contemplait en souriant. Quelle verve ! Lança-t-il. Si les humains étaient à moitié aussi efficaces que ceux qu'ils parlaient bien, ils ne pas être en train de perdre la guerre contre les cochons. Aussi vrai que je m'appelais Chiam vite. On parle, c'est vrai, admit Elana. On fait ce qu'on peut contre les Raïs, c'est vrai aussi. Mais personne ne peut nous accuser de nous cacher ou d'espionner. Il y eut un cri, et un Faël se leva d'un bond, son arc à la main. Chiam éclata d'un rire sonore. Calmez-toi, cousin. C'est humaine avoir une dague à la place de la langue. Ne pas te laisser prendre à ses pièges, toi, femme, continua-t-il. Savoir que les Faëls ne pas se cacher. Ils se montraient quand ils en avoir envie et à qui ils vouloir, se être différents. À son tour, Elana se mit à rire. C'est donc le hasard, demanda-t-elle, qui vous fait percher si haut quand le danger est en bas. Les dentelles vivent être un remarquable terrain d'entraînement pour l'escalade. Nous camper là avant que vous surgir, fuyant cette horde de cochons. Un entraînement ? Oui. Pourquoi ne pas me l'avoir confié plus tôt ? Railla Elana. J'étais justement en train de donner une leçon à mon jeune ami ici présent. Vous auriez pu en profiter. Chiam Vite ne parut pas apprécier la remarque. Il sauta de son perchoir et atterrit souplement près de la jeune marchombre. Il était plus petit qu'elle, mais la différence de taille ne le diminuait pas. Il se tenait fièrement campé. Un sourire ironique aux lèvres. Salim comprit toutefois qu'il avait été touché dans son amour-propre. Le jour où un humain me donnait une leçon d'escalade, affirma-t-il, je vouloir bien être pendu, ou pire, me mettre à son service pour 12 lunes. Elana le soupesa du regard. Jurez ? Jurez. Sur la flèche ? Le Faël regarda fixement la jeune femme. Je ne pas savoir qui t'avoir enseigné nos coutumes. « Mais oui, je le jurai sur la flèche. Tu savoir qu'un serment prêté de cette façon ne pas pouvoir être rompu. Je m'engageais à me placer sous tes ordres si tu prouvais que tu étais meilleur que moi. » Il tira de son carquois une longue flèche empennée de plumes rouges. Il l'atteint un moment à l'horizontale devant lui et soudain la brisa en deux morceaux qu'il laissa choir à ses pieds. « Sur la flèche » affirma-t-il. Il observa la falaise au-dessus d'eux et Salim suivit son regard. Les dentelles se poursuivaient pendant une centaine de mètres, moins abruptes que la première dalle. « Trop facile !» se moqua Elana. « Que proposais-tu ? » ?»« Une descente. Le premier en bas, vivant, a gagné. » Shyamvit ôta son carquois et le déposa au sol. « D'accord » accepta-t-il. « Que mettras-tu en jeu ?»« Rien. Tu as brisé la flèche trop tôt sans que j'aie le temps de m'engager. Tu grimperas pour la gloire, Shyam. » Le Faël tika, mais ne répliqua rien. Elana assouplit ses poignets, puis se tourna vers le groupe de Faël. Pouvez-vous assurer la sécurité de mon compagnon ? Il ne sait pas grimper et j'ai promis de le ramener sain et sauf au camp. » Salim, vexé par le commentaire, se tint coi. Mes cousins, accompagnez ton ami, acquiesça Shyam. Tu es prête ? Quand tu veux. Ils s'approchèrent du bord de la falaise. Salim et l'ensemble des Faëls les suivaient. Elana avait quitté son masque de bonhomie moqueuse et ses traits reflétaient une intense concentration. Un des Faëls poussa un cri et la jeune femme sauta dans le vide. Au dernier moment, elle pivota. Ses doigts crochetèrent le bord de la vire. Elle commença sa descente. Shyam avait agi de manière identique et ils disparurent ensemble de la vue des autres. Salim se mit à plat ventre pour suivre les péripéties de la compétition. Elana et Shyamvit avaient déjà dévalé près de 10 mètres de parois. Ils descendaient à une vitesse hallucinante et leur progression ressemblait plus à une chute contrôlée qu'à une véritable désescalade. Impossible de savoir qui l'emportait. Leurs gestes étaient pareillement fluides et précis. Leurs techniques similaires, privilégiant la souplesse et la finesse à la force. Salim savait combien descendre est plus difficile que monter. Il avait conscience d'assister à un véritable exploit qui rendait bien pâle les prestations des grimpeurs de son monde. À côté de lui, les Faëls commentaient la course avec exubérance, dans une langue qui ressemblait à un mélange de russe et de chinois. Au bas de la falaise, Edwin et Camille avaient été rejoints par Bjorn. Ils regardaient Elana et Shyam utiliser leur capacité à se distancer l'un l'autre. Il fallut beaucoup moins de temps à ces deux-là pour descendre qu'il n'en avait fallu à Salim pour monter. Ils parurent toucher le sol à la même seconde, la distance empêchant de savoir qui l'avait emporté. Des cris éclatèrent parmi les Faëls en désaccord sur le résultat. La plupart, toutefois, ne semblaient pas douter de la victoire de leur chef. L'un d'eux adressa un signe à Salim. « Suivre-nous !» lui lança-t-il. « Nous te montrer une voie facile !» Ils durent faire un détour, mais la descente ne fut pas périlleuse, et le garçon s'en sortit plutôt bien. Une fois en bas, il longea les dentelles vives pour regagner le camp en compagnie du groupe de Faël. Shyamvit vint à leur rencontre. Il faisait grise mine. Et avant que ses compagnons aient eu le temps de dire quoi que ce soit, il prit la parole dans sa langue. Shyam haussa la voix quand un des Faëls voulut l'interrompre, le contraignant à se taire. Finalement, il donna un dernier ordre. Ses amis le regardèrent consternés, mais aucun ne parla. Un à un, ils se détournèrent et s'éloignèrent. Salim se retrouva seul avec Shyamvit. « Elle gagnait », dit simplement le Faël.